nous allons passer maintenant au récap de la veille qui a été préparé par Jeanne 7. Il faut juste que j'apprenne à utiliser cet ordinateur, à faire plusieurs choses à la fois. Voilà, donc le récap de la veille de jeudi 10 avril. Voilà, merci beaucoup Marie Janson. On y va. Bonjour. La girafe. Il y a des gens qui trouvent que la girafe a le cou trop long. C'est absurde, car si la girafe n'avait pas un très long cou, ce ne serait pas une girafe. La mouche. On sait qu'il existe beaucoup de personnes toujours prêtes à prendre la mouche. Ce qu'on ignore, c'est que si elles la prennent, c'est le plus souvent pour lui faire du mal. L'humain. Tout cela n'empêche pas, dira-t-on, que l'homme est le maître de la terre. Il traite la vache, il plume la poule, il attelle le bœuf, il dompte le lion, il racle le poisson, il truffe la dinde, il écartèle la grenouille, il gave l'oie, il avale l'huître, il écrase la punaise. Il boit l'huile de foie de morue et il enfourche le canasson. C'est vrai, mais comme j'ai déjà eu l'honneur de le dire à mes lecteurs, l'homme sera peut-être vaincu par la petite bête. Il est déjà très embêté lorsqu'il a des fourmis dans les jambes, la puce à l'oreille ou une araignée au plafond. Alors là, ça parlait, qu'est-ce qu'un ensemble de musique contemporaine? Après, la musique contemporaine, c'est un terme occidental, pour les occidentaux. Je trouve. Après, la musique contemporaine, c'est la musique qui a, en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale, avec des expériences. J'aurais du mal à dire ce que c'est la musique contemporaine. C'est une musique... Vois, et moi, je me pose vraiment la question. Bah, de la programmation alors, ici. En tout cas, pour moi, c'est une musique concertante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des concerts. Ok. Voilà. Donc, c'est fait pour des concerts. C'est pas fait pour être joué dans la rue ou des choses comme ça. Pour moi, c'est déjà une musique concertante. C'est, certains peut-être peuvent dire, je sais pas, j'y connais pas assez, mais dire c'est pour la suite de la musique savante. En même temps, c'est pas vraiment des gens qui écrivent là-dessus, mais c'est qui réfléchissent sur la musique. En même temps, tout le monde réfléchit sur la musique. Alors, je sais pas d'où vient l'écart. Ouais, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est pas de la musique dansante. Déjà, on peut essayer de réfléchir à quoi Qu'est-ce que ça n'est pas. Pas mal, ouais, dans ce sens-là. Pour moi, c'est quand même de la musique. Alors, même vraiment, pour moi, hein, c'est des musiques expérimentales, avec des expérimentations qui sont en lien avec des traditions de la musique occidentale. Classique. Ouais, en tout cas, classique occidentale. Ouais. Et en même temps, tu vois, il y a aussi une ouverture sur les musiques plus électroniques. Donc aussi avec de nouveaux instruments. En tout cas, c'est une musique assise. C'est une musique concertante et une musique assise. En tout cas. Ouais, pas debout. Hein. Hein ? Pas debout, hein. Non. Ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose que tu vis avec... Ouais, tu vis avec ton corps, forcément, mais c'est quelque chose que tu vas vivre avec ta tête et tes émotions. C'est vraiment des moments enregistrés, des field recording, quoi. Et j'ai juste choisi des morceaux dans ces prises de son. D'accord ? Il n'y a pas de transformation. Quoi. Je voulais vous le dire. Et un peu dans ce côté biodynamique, comme ça, j'ai essayé au maximum de faire que les sons qu'on entend là, ils soient diffusés au niveau avec lesquels on les a entendus dans la réalité. Donc quand on a fait les prises avec Didi, je mesurais le niveau sonore, et puis quand on a réglé là, on essaie de proposer le même niveau sonore. Tout ça pour dire que si vous trouvez qu'il y a des sons qui sont trop forts ou pas assez forts, je décline toute responsabilité. coq chanteur. L'oiseau du matin, comme il est souvent appelé, possède le sens du temps, net et précis. L'un de ses cousins, le Corcovado de Panama, une caille, porte le surnom d'horloge de pauvre parce que soir et matin, vers 6 heures, il lance 5 à 6 notes claires, retentissantes, parfaitement rythmées. Le ciel a beau être nuageux, il ne se trompe jamais. Les trains de charrettes que l'on rencontre dans les steppes autour de la mer Noire ont un coq pour chef de départ. L'absence du coq, compagnon attitré de l'homme, marque le désert. Non vi canta né gallo né gallina. Merci beaucoup, Antoine, pour ces belles histoires. Merci à nos auditeurs pour nous écouter. Si nombreuses, c'est vraiment fascinant et passionnant. Au revoir, bonne journée et bonne nuit. Ciao, ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce récapitulatif constitué de sons que Marie m'a dit être exogènes. C'est-à-dire qu'il y a des petites parties de lecture de textes sur des animaux qui ont été réalisées pour un atelier qui se déroule actuellement dans la maison communale de Plainpalais, qui est menée par les éditions Hérolimites.